Hey, tu vas où? Hein? Tu vas où là? Je vais derrière avec les autres. Comment ça avec les autres? Ceux qui te donnent à manger ou quoi? Mais non, mais on va juste faire un tour comme et ça. Comment ça on va faire un tour? Mais quand tu rentres à 3h du matin, je voulais te dire justement, quand tu fous le bordel, tu fais du bruit de partout, tu crois que c'est la fête, jamais tu fous rien ici. Mais tu te crois où? Vas-y, qu'est-ce que tu me fais là? Tu te prends pour le repère ou quoi? En plus, là tu réponds, pour rien. Vas-y, lâche-moi. Ça y est, j'ai 18 ans, je peux sortir seul. Être responsable, dire aux grands de fermer leur gueule. Avant le couvre-feu était à 22h. Maintenant c'est des coups de 5h du matin, même si je suis lycéen. Je m'en fous, l'école c'est obligatoire jusqu'à 16 ans. J'ai fait 2 ans de plus pour faire plaisir à mes parents. Je bois, je fume à volonté, comme les grands de la cité. L'adulte qui sommeille en moi, presque mort et ressuscité. Je roule sans mi-père, ni mère, ni père. J'y perds à jouer les vipères, mais j'ai plus de grand-père. Trouve-moi un job avant que j'en vienne au business. C'est ce que j'entends à la radio, comme maman fait du fitness. Je réfléchis, tout en fumant mon touchy. La tête dans une main, l'autre posée sur le bushy. J'entends d'autres rap disant que le crime paie. C'est vrai que dans mon cas, il n'y a que la rue qui me paie. Mais travailler à domicile ou prendre le métro, marcher en survêt ou marcher en costume rétro. J'ai le juice dans la cité, mais pas dans les entreprises. Si le courant ne passe pas, faut que je trouve une entreprise. Dans le quartier, y'a 2-3 mecs qui font du bora. Ça marche pour eux, ouais. Mais y'a toujours la jura de ceux qui ne réussissent pas. Des mecs comme moi qui ne font rien de leur journée. Pendant que les autres gagnent du blé et partent tourner. Le rap ça parle de misère, de galère parfois. S'ils parlent de moi, la vie de ma mère que je les foudroie. Si je suis dans la merde, y'a que moi qui ai le droit d'en parler. J'ai pas rappé, les seules fois où je chante c'est quand j'écoute pour parler. Et encore je redonne, j'espère que mes parents me pardonnent. Quand je rentre à 4h du mat et que je chante. Je ne veux être un boulet pour personne et faire ma vie. Partir de là d'ici, mais mamie faille d'ici.